En direct du macadam. En gazier comme une balle dans un gamme. Zézo. Beatbox. En gazier comme une balle dans un gamme, c'est chacun sa gamme. Ceux qui auront ta peau, ils ont hagal sa dame. Dans la tourmente, les vrais s'adaptent, but fixé. Ça sent le regret parce que les vrais s'adaptent, ils sentent plus pisser. C'est ce plus pisser, nous raconte plus de bêtises. Par A plus B, plus rien à prouver, ma plume s'aiguise. Mon amertume se déguise, mon flot du sport de glisse sur une mer de bitume. C'est mon habitude du vice. Car je n'ai jamais changé de veste, on reste les best of the best. Que mon hip-hop s'élève, l'industrie proc c'est net. Je passe d'un jour à l'autre, une semaine à l'autre semaine mêlée. Pieds dans la merde, c'est l'état qui se colle à votre semaine. Devine ma cause, j'ai plus statut, je suis hors de la case. C'est l'art de la casse, en vrai j'ai plus le temps de jouer la racaille. C'est ce test, ma caille, nous c'est pas de c'est médiocre. Nous c'est grave, c'est médiocre, sur bande audio, laisse médiocre. Phalange, le flot t'allonge. Diox, négro, Zézo, vas-y on t'arrange. Du 9-4 FLC, de l'engagement à l'engagé. Nos textes se prolongent, nos textes une rallonge. On iscro, toutes les phalanges, le flot t'allonge. Diox, négro, Zézo, vas-y on t'arrange. Du 9-4 FLC, de l'engagement à l'engagé. Nos textes se prolongent, nos textes une rallonge. Faut savoir ce que l'on veut, ce que l'on vise, ce que l'on bise. J'suis enragé comme une bête que personne maîtrise. L'engagement cagoulé, on arrache la caisse. Demande à Zeze, qui sont les mecs de Death. 2012, j'envoie des bastos, ils crèvent tous, ils se testent. Tous offensifs, donc on les baisse tous. Ici le macadam t'étouffe. Bad, bad game, my clip. Envoie les chargeurs, négro, j't'enverrai le tarif. Négro, j'prends pas leur farine, pas le time pour leur lèche vitrine. Ici on veut la fleet king, ton pal, on veut les victimes. Où sont les boss, où sont les bestes, mon rap est vif, mon rap est glisse. J'viens laisser ma griffe, un binôme distribue des gifs. À coup de pompe dans ce bis, j'suis venu les matraques, les manjacks. Appelle-moi Marmo, j'vide de le chargeur sur chaque track. Chaque 16 affûté laisse les corps en vrac. L'engagement est signé, négro, Diox, c'est son contact. Miss gros, des phalanges, le flot t'allonge. Diox, négro, Zézo, vas-y on t'arrange. Du 9-4 FLC, de l'engagement à l'engagé. Nos textes se prolongent, nos textes une rallonge. On iscro, toutes les phalanges, le flot t'allonge. Diox, négro, Zézo, vas-y on t'arrange. Du 9-4 FLC, de l'engagement à l'engagé. Nos textes se prolongent, nos textes une rallonge.